Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour. En octobre 2018, le collectif Écran Total se réunissait pour la sixième fois, cette fois-ci à Savournon dans les Hautes-Alpes, et j'ai réalisé quelques enregistrements autour de cette rencontre. Et le collectif Écran Total, c'est un collectif, un groupe qui résiste à la gestion et à l'informatisation de nos vies, comme le dit sa plateforme. C'est la sixième rencontre autour du puçage des animaux, mais aussi l'envahissement de la vie professionnelle et de la vie quotidienne par l'informatique. Au cours de ces rencontres, on s'est retrouvé à la ferme du Petit Terrus, où les fermiers qui s'occupent de brebis ont décidé de ne pas pucer leurs bêtes, et je vous propose donc dans l'enregistrement qui suit d'écouter ce qu'ils ont à dire là-dessus et aussi le débat qui s'en est suivi avec les gens d'Écran Total et d'autres personnes du lieu. Pourquoi est-ce qu'on est là un peu aujourd'hui? En fait, c'est un peu le hasard en fait des rencontres, de ces rencontres Écran Total qui se passent à Savournon chez François, dont il m'a parlé il y a un mois ou deux. Et en fait, à l'époque, on était un petit groupe de paysans en voie d'installation ou en volonté d'installation, enfin dont je fais partie, qui réfléchissions en fait à, on devait faire une accompagner la transhumance d'un troupeau de brebis de copains qui en fait font Briançon, Fort-Calquier à pied avec leurs moutons. Donc c'est vraiment une grosse balade de 3 semaines en fait avec les moutons et un peu tout ce que ça représente comme complexité pour organiser encore des grandes transhumances à l'heure où bon maintenant c'est en général des brebis dans les camions, etc. Et on comptait en fait tout le long de cette transhumance faire des discussions dans les fermes. En fait, il y a tous les soirs quasiment le troupeau s'arrête proche d'une ferme ou dans une ferme. Et du coup, c'était l'idée de faire des discussions sur les normes en agriculture et ses conséquences sur les contrôles dans les fermes, l'industrialisation aussi que ça engendre. Voilà, pour remonter un tout petit peu en arrière aussi, on s'est formé un petit groupe de gens en fait au printemps où on a fait une action en fait le jour de l'anniversaire de l'assassinat d'un paysan il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, Jérôme Laronze, qui était éleveur de charolaises en Saône-et-Loire, qui, suite à pas mal de harcèlement administratif, de contrôle sur sa ferme, en fait, a pris la fuite et a été abattu par les gendarmes donc, il y a un an et demi. Ça nous a pas mal révolté à tout ce système-là. Et donc, on a fait une action le jour des un an de l'anniversaire de son assassinat. Et donc, après, voilà, ça a germé l'idée de faire cette transhumance, de continuer à parler des normes dans les fermes et de peut-être comment s'organiser aussi pour résister ou augmenter la résistance, parce qu'il y a quand même plein de résistance à la normalisation partout. Et donc voilà, l'idée de cette transhumance, qui finalement ne s'est pas faite bon, à cause d'un problème sanitaire dans les Hautes-Alpes, la fièvre charbonneuse, pour ceux qui connaissent. Bah, les mouvements de bêtes étaient un peu beaucoup plus compliqués, donc la transhumance s'est faite en camion, ou même interdit. Ouais. Ouais. Et donc du coup, quand même, bon, juste à ce moment-là, on apprenait que ça allait être annulé. Bon, on se rend compte avec François, il dit il y a Écran Total qui vient à ce moment-là. Et donc on a dit, il faut faire quelque chose qui lie un peu l'intérêt d'Écran Total, c'est de mon point de vue, en tout cas à l'extérieur, hein, c'est des trucs qui mélangent un peu tous les métiers, tous les secteurs d'activité et qui voient qu'est-ce qui nous relie tous dans une société qui veut toujours plus informatiser, industrialiser, etc. Donc il y avait l'idée de faire quelque chose sur l'agriculture et quoi de mieux que d'aller sur une ferme pour ça. Et donc voilà pourquoi on est aujourd'hui. Et là, je donne la parole aux éleveurs de... éleveurs et cultivateurs de la ferme pour peut-être une petite présentation de là où on est, qu'est-ce qui se passe, et puis bon, peut-être lancer des débats après, comme vous avez été aussi pas mal en pointe sur la résistance au puçage, notamment des brebis, voilà, par exemple. entre autres. Ça peut déjà faire des discussions. Et puis je sais qu'il y a pas mal aussi d'autres éleveurs ou agriculteurs ici. Donc l'idée, c'est plus après que ça, enfin, que ça parte en discussion libre. Quoi. On n'a pas préparé de conférence d'une heure. Voilà. Et puis ce serait pas très intéressant. On part alors. Voilà. Voilà. Il y a pas de tabou. Voilà. Merci. Voilà. Puis, merci de l'accueil. Enfin, c'est un plaisir. Ben voilà, vous êtes à Petit Hérus ici, c'est le nom du lieu-dit. Alors, c'est une ferme où on est avec Bernadette depuis 1982. Et Simon nous a rejoint. Et Simon nous a rejoint il y a deux ans. Voilà. Alors, nous, on était sur de l'élevage et des cultures. Donc, élevage avec des brebis et des alpagas pour la laine, des brebis pour faire des agneaux viande et des alpagas pour la laine. Et les cultures, elles sont essentiellement axées sur l'élevage. Et Simon s'est installé avec des plantes aromatiques. Depuis qu'on est installé, on a vu l'évolution des exigences de normalisation des élevages. Et du coup, ça interpelle aussi parce que... Alors normalement, les brebis, les alpagas, enfin tous les bestiaux à peu près, il faut qu'ils soient tous pucés. Parce que quand même, c'est quand même au bout du jour. Hein. Et ce qui sert d'ailleurs à pas à grand chose, parce que en fait, c'est pas tellement utilisé derrière. Alors on se demande pourquoi on leur fout une puce. Qui peut, en cas de... Voilà, dès qu'elles sont sollicitées, elles émettent. Donc la brebis qui a sa puce à l'oreille, là, ça lui en fout plein la tête. Bon. Bon, elles n'ont pas de téléphone portable, mais les brebis, c'est peut-être pas pire. Mais nous non plus, d'ailleurs. Et en fait, on est tenu, on nous tient la carotte à tous ces trucs, c'est qu'on vit essentiellement de prime. Faut pas se voiler la face, avec les histoires de la politique agricole commune. Et du coup, c'est la carotte qui fait que si on fait pas ça, on vous en sucre des bouts. Installé depuis longtemps, on a résisté pas mal de temps. Et puis à la venue de Simon, on a dit bon bah là, avec un jeune qui s'installe, que ce soit un peu plus carré, c'est-à-dire quand on est nous on est un peu en fin de course là quand même sur la ferme. Je prends la parole. Ce qui est plus carré, c'est que au moment de l'installation d'un jeune, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup plus de contrôle. Donc tout ce qui est un peu laissé comme ça, parce que nous, en fin de carrière, les contrôles, il y a quand même des chances qu'on y échappe pour nos 4, 5, 6 dernières années. À l'arrivée d'un jeune qui, lui, sollicite une dotation à l'installation, etc. Parce que sans dotation à l'installation, c'est très compliqué de s'installer. Enfin, après, on peut parler dans les détails, mais bon. C'est sûr que là, dans ces cas-là, dans les 3 ans de l'installation, les contrôles, ça tombe. On pourrait parler d'une amie de Simon qui s'est installée en brebis laitière et qui, elle, dans son année d'installation, a eu 5, 4... 5 dans la première année et dans les années qui ont suivi, donc les 5 années qui sont censées... valider la dotation jeune agriculteur, première aide qu'on donne, et elle a eu tous les contrôles qu'on peut imaginer. Tous. Voilà, la MSA qui s'est pointée, tout, et avec à chaque fois, puisque c'est un contrôle, et bien on est le mauvais élève. Ça part comme ça. C'est ce qui est assez délicat dans comment ces gens approchent, et c'est ce qui peut rendre. C'est ce qui nous rend au bout d'un moment méchants. Entre guillemets, ou en tout cas de pas apprécier le fait que ces gens-là se pointent sur nos fermes. Ouais, on a l'impression d'être le mauvais élève au fond de la classe, alors qu'en vrai, on se lève le cul pour faire quelque chose qui est correct, qui est sain. Et là, on nous dit, ben, vous avez pas mis une boucle à vos brebis, on va vous enlever, alors, la prime qui est liée, mais aussi, donc pour les éleveurs qui pratiquent la politique agricole commune, on a différentes aides qui arrivent de différents secteurs pour différentes choses, les cultures, l'élevage, voilà. Et donc on dit, ben, vous n'avez pas fait celle-là, mais on va vous enlever aussi quelques pourcents sur toutes les autres. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité, et ça vous fait plier, en fait. Quand Antoine nous dit, on est quand même sous perfusion de l'État et de l'Europe, une ferme ici, elle tourne avec au minimum 50% d'aide. Si on vous dit, on vous enlève encore 10% du reste, bon, bah ouais, à un moment, c'est dur de se dire, bah, bienvenue, faites votre contrôle, faites du super boulot. Ouais, moins 15 000 euros à la fin de l'année, non, ça va pas faire, quoi. C'est les pénalités qu'on a. Hein. Par rapport à l'installation du ciment, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, nous, ça nous a obligés à durcir, enfin moi, ça m'a obligé à bien réfléchir à pourquoi j'étais contre le puçage, pourquoi, hein, etc. Et ça a durci ma position par rapport à cette normalisation, à la conditionnalité des aides, etc. Parce que l'envie de lutter contre est plus forte. Alors que vieillissant et tout, on se dit, bon, allez, c'est bon, on va laisser ça aux autres, ils se débrouilleront avec leurs normes. Mais là, avec l'arrivée d'un jeune où on se rend compte que c'est ça qui est en train de bouffer une grosse partie de l'énergie du jeune qui s'installe, et de nous y compris, parce qu'il faut qu'on reprenne l'idée de tout ce qui se passe, on a durci, enfin moi je trouve qu'on a durci notre position par rapport à cette montée en puissance des normes. Et donc ces normes, elles sont et sur l'élevage, et sur des choses qui sont, qu'on nomme peu préoccupants, mais qui sont, vous en avez certainement entendu parler, mais le purin d'ortie. La partie plante aussi est, ouais, est réglementée à un point où ben, vous ne pouvez pas le commercialiser, par exemple, ce truc-là. Les plantes que vous buvez là, eh ben, y a plein de mots qu'on ne peut pas utiliser qui sont du registre médical. Donc on ne va pas pouvoir les utiliser au moment où on les commercialise. Sur la laine, par exemple, la laine en juillet 2014, en plein été, je précise la date parce que c'est très drôle, est devenue au niveau de l'Europe un sous-produit de l'élevage. La laine n'est plus considérée comme un des produits à valoriser de l'élevage. L'élevage. C'est un sous-produit depuis juillet 2014. Non, donc c'est considéré comme un déchet. Avec donc tous les pour stocker de la laine, il faut une autorisation préfectorale. Voilà. C'est pas mal. Alors en travaillant la laine des alpagas, enfin, en essayant de la valoriser, pour nous c'est une vraie calamité que ça devienne un sous-produit. Mais pour des éleveurs de moutons, il y a un groupe là sur pas très loin d'ici, de jeunes éleveurs qui sont hyper dynamiques et qui se sont dit on ne peut pas faire que de la viande, on ne va pas jeter notre laine, on va valoriser la laine. Ils ont mis des races qui ont une belle laine, etc. C'est un sous-produit, votre bazar là. Donc ça ne peut pas compter dans vos projets d'installation et tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer de valoriser votre laine. Et puis il va falloir, du coup, si vous voulez le faire, que vous ayez un numéro machin, un numéro truc, et allez, tu te remets encore 4 grandes pages à remplir, enfin voilà, avec tout ce qu'on sait des normes et des dossiers que ça génère, quoi. Justement, ces histoires de conditionnalité d'élevage, c'est ça s'appelle le bien-être animal, c'est de faire des gros trous dans les oreilles des moutons. La puce électronique qu'on demande de poser est censée être la première boucle que l'on met, et ensuite à une semaine chez les agneaux. On a une obligation de mettre 2 boucles par animal pour être sûr de ne pas se tromper au cas où il y en a une des deux qui s'en aille. Mais la première devrait être celle-ci. Donc pour le moment, c'est pas ce qu'on fait, effectivement. On met d'abord un petit bout de plastique qui nous permet de reconnaître la bestiole, et puis ensuite on va leur mettre. Pour l'élevage des brebis, c'est pour la viande. Les agneaux qui partent en abattoir, ils sont bouclés la veille de partir, du coup. Et ils sont abattus donc le lendemain, et la buce n'est pas réutilisée. Qu'est-ce qu'on fait de ce tas de boucles? Assisteront, ils s'abattent 1000 agneaux au jour. Donc il y a 1000 boucles en pleine poubelle de boucles. Et tous les jours, il y a ça et on n'en fait rien. Il y a eu par l'État une délégation de service à l'entreprise qui fabrique les boucles. Et donc, il y a eu une délégation de service public, mais qui n'est pas tout à fait écrite dans ces termes. Donc, Chevillot, en grange, ça coûte 3 fois plus cher la boucle électronique que le petit bout de plastique qu'on aurait pu mettre jusque-là. En fait, sinon, on peut gérer le troupeau avec ce genre de truc-là, c'est génial. On sait où est-ce qu'il est. On pourrait savoir où est-ce qu'il est, ça c'est pas encore fait d'ailleurs, mais ça va pas tarder. Il y a du réseau partout. Ah, on n'en a pas besoin, c'est dans la bergerie, on passe à côté de la brebis. Il y a la wifi sur le fond. On vient mettre on questionne la brebis sur c'est quoi son. Comment tu t'appelles? Et puis c'est quoi que tu as mangé aujourd'hui? Et puis c'est quoi tes antécédents? C'est pas bien. Donc après, il y a un film qui est en libre accès sur internet et qui est assez rigolo là-dessus, où il y a. Donc ça s'appelle Mouton 2.0. Et ce qui est assez rigolo, c'est que. Il y a un moment donné dans ce film où il y a un ingénieur qui est là avec d'un côté un lecteur de puce, de l'autre il a genre son téléphone effectivement, et puis il est ravi parce que tout tout va directement sur l'unité centrale qui est dans le local technique de la bergerie. Et ils disent c'est super, on est tout en Bluetooth. Bon, après, on a un... enfin, je peux pas attraper une brebis, quoi. J'ai les deux mêmes prises, vous m'excuserez, je ne peux pas attraper une brebis. On est éleveur, on est cultivateur, voilà. On a les mains sur les animaux, on a les mains dans la terre. Voilà, voilà, moi, donc ça, ça c'est la boucle, ce qu'on doit mettre dans l'oreille d'un agneau. Donc il y a le recto et le verso, d'accord ? Dans une oreille d'un agneau qui est grosse comme ça à la naissance, d'accord ? Donc nous, on a décidé de les boucler beaucoup plus tard, mais a priori, on est tenu dans les trois premières semaines de la vie de l'agneau, de lui mettre ça. Celle-ci étant la boucle de l'éleveur, c'est-à-dire qu'il y a le numéro sur les deux boucles recto-verso, alors comme ça, quand elle passe, on le voit bien. Hein. Et la première qu'on doit mettre, c'est celle-ci, c'est la boucle... avec la contre-boucle, ce petit truc, et la puce, elle est là, elle est à l'intérieur, là-dedans, enfin, la petite RFID, là. Et le principe de l'RFID, c'est qu'en fait, elle émet, si on approche d'elle, une source d'énergie. Elle renvoie, elle a une petite antenne. Alors au début, nous, on pensait que l'animal avait tout le temps la radio dans l'oreille. On nous a assuré que non, et que ce principe de puce se met en marche qu'au moment où on approche le lecteur, par exemple. Bon, après, nous, on n'est pas dans la puce pour savoir exactement ce qui se passe. Puis on est capable de supporter nos téléphones portables. On n'a pas envie de faire supporter ça à nos bêtes, mais c'est a priori pas du tout le même genre d'onde. Si on a ça, nous on est capable de lire le numéro de la brebis. Ça fait 20 ans qu'on met un numéro à nos brebis, qu'on en avait 350 au début. C'est bien de pouvoir les reconnaître. Donc ça, pour nous, c'est un outil de travail. Parce qu'après, on sait si c'est elle qu'on a soignée l'année dernière. On a un carnet, on écrit sur nos carnets, etc. On n'a pas besoin d'avoir un central derrière et qui récupère les infos. Mais bref, donc ça, pour nous, c'est un vrai outil de travail. La puce, pour nous, c'est totalement inutile parce que si on a une puce comme ça et qu'on veut effectivement s'en servir pour transmettre au relais derrière, il faut non seulement avoir le relais derrière qui va prendre les informations et tout, mais il faut déjà pouvoir lire. Donc, il faut un lecteur de puce qui coûte, lui, autrement plus cher que ce bazar-là, quoique ça aussi, ça coûte cher. Donc c'est des frais d'équipement toujours en plus, mais c'est pas grave, de toute façon vous allez avoir des aides. Alors si vous êtes immatriculé, si vous êtes aux normes avant le mois de juillet 2016, ça va être pratiquement tout gratuit, on vous fait des remises sur ceci, sur cela, mais faites attention parce qu'après ça va coûter très cher et tout. Alors du coup tout le monde s'est mis aux normes avant juillet 2016, parce qu'après ça allait coûter très cher, sauf qu'avant ça ne coûtait rien du tout parce qu'on n'en avait pas besoin. Alors faut savoir quoi. Alors donc ça c'est le côté un peu rigolard. Ceci dit, une fois que les brebis, elles ont ça dans l'oreille, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, pour les brebis, éventuellement, elles vont le garder pendant toute leur carrière. Alors, si on est d'accord avec le principe d'avoir tout normalisé et de pouvoir suivre les brebis, non pas sur notre joli petit carnet d'agnelage, où on se dit, oh là là, on peut faire ça sur ordinateur, pas de souci. Mais pour les agneaux qui vont partir à l'abattoir, et c'est quand même l'objet essentiel de notre travail, c'est de faire naître des agneaux, les brebis les élèvent, on garde les agnelles pour renouveler les brebis qui meurent de vieillesse, etc. Et les agneaux mâles partent à l'abattoir, ça fait de bons gigots, etc. Bon, ça c'est notre boulot d'éleveur pour le moment. Quand on sera devenu vegan, peut-être qu'on n'élèvera plus des agneaux, mais pour le moment, c'est comme ça. Alors, nos agneaux, comme nous, on a quand même décidé que le bien-être animal, on n'avait pas tout à fait la même notion que les gens qui ont inventé ça. On leur met une toute petite boucle minuscule quand ils naissent, c'est pour savoir que lui, c'est le fils de celle-là et on les suit. Et au moment où ils partent à l'abattoir, s'ils n'ont pas ça, ils partent à l'écarissage. Impropre à la consommation. Impropre à la consommation parce qu'ils ne sont pas référencés. Vous vous rendez compte, on prend peur quand même. Hein. Alors, comme ils partent à l'écarissage, pendant un an ou deux après l'obligation de ça, on a fait partir nos agneaux mal bouclés. On s'est dit, on va voir ce que ça donne au niveau de l'abattoir, savoir si quand même ils se rendent compte que c'est les nôtres ou pas, comment ils... Et mal bouclés, c'est-à-dire qu'ils avaient le numéro de l'élevage, mais pas la puce au départ. On les a fait partir sans puce, mais avec leur numéro à eux. Ça a marché pendant un an et demi, le temps qu'à l'abattoir, ils se rendent compte d'eux. Et puis un jour, on reçoit un coup de fil du technicien de la COP qui nous suit et qui nous dit, alors là, l'élevage de machin truc et l'élevage de machin truc, ils viennent de se faire refuser des agneaux à l'abattoir, ce qu'ils font comme vous, ils ne pucent pas les animaux. Donc là, on sait que vous arrivez en période de livraison. Faites gaffe. On vous informe, vous débrouillez. Donc voilà. On les a fait partir pucés. Ce qui veut dire que, techniquement, les agneaux sont prêts à partir pour l'abattoir. On dit celui-là, celui-là, celui-là, et on en a 10, ils sont prêts, ok. On leur met la puce électronique à ce moment-là. Ce numéro ne correspond à rien par rapport à notre animal, sauf que nous, on a un cahier sur lequel on met que le numéro 72 de notre élevage, dont on connaît la mère, la grand-mère, tout. Celui-là, il va porter pour l'abattage le numéro de cette puce-là. Bon, on sait que, parce qu'après, l'abattoir nous renvoie des petits dossiers sur lesquels on sait le poids de l'agneau, son rendement. Bon, ça nous permet de suivre nos agneaux jusqu'à la fin. Ça, c'est notre traçabilité à nous. Mais cette puce-là, qui coûte quand même 1 euro. Ouais, 1,50€. 1,50€ le double bouclage, quoi, la série. On la met sur l'oreille de l'agneau au moment où il part d'ici. Et dans les 2 heures qui suivent, c'est à la poubelle, puisqu'il est passé à l'abattoir. Ils ont récupéré, enfin, ils ont lu le numéro. Donc, ils ont à l'abattoir, je ne sais pas ce qu'ils font de tout ça, mais ça part à la poubelle. Ils s'en servent, mais si deux animaux arrivent en même temps sous la portique de l'écriture, voilà, alors ça en lit qu'une. Alors, du coup, ils sont obligés de les reprendre à la main. Jusque-là, dans un abattoir, il y avait d'office quelqu'un qui prenait note des numéros des agneaux qui arrivaient. Et avec ce système, l'objectif, c'était donc de pouvoir aussi pas faire de faute d'écriture et puis surtout de pouvoir certainement enlever cette personne qui vérifiait les numéros. Vu que si deux bestioles arrivent en même temps, le numéro n'est pas pris en compte et que quand même ils sont bouclés, il faut continuer à vérifier les numéros de visu. Donc en fait, on n'a toujours pas enlevé cette personne-là qui continue de vérifier les numéros. Ouais, je voudrais dire que moi, je suis éleveur aussi près de Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, il y a un centre d'allotement. Les agneaux, donc ça fait, c'est loin d'ici, hein, mais il y a des agneaux qui sont abattus à Sisteron quand même en partant de chez nous, et d'autres qui sont abattus près d'Auxerre. Donc là, il y a des centres d'allotement où on regroupe tous les agneaux qu'ils ont récupérés dans les fermes alentours. Et bien, même là, la puce, elle ne peut pas servir parce que c'est tellement pas fiable le truc qu'ils sont obligés de les passer un par un pour regarder les numéros à l'oreille. Donc, pas forcément sur cette boucle-là. D'ailleurs, sur la boucle conventionnelle, c'est beaucoup plus facile parce que le numéro est indiqué des deux côtés. Donc là aussi, la puce, elle sert absolument à rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils font les malins avec leurs appareils, mais en réalité, si un lot de 100 agneaux, ils passent avec leur détecteur, puis il n'y en a que 80 qui apparaissent, quoi, qui sont détectés. De toutes les façons, vous inquiétez pas, quand le contrôleur il arrive, lui, il n'a pas les moyens d'avoir une barre de lecture. Eh oui. Donc il arrive, il est incapable de lire les puces, déjà. C'est juste un contrôle visuel si les brebis sont bien bouclées. Si elles sont mal bouclées, nous, on a été contrôlés. Si la bête n'a pas la bonne puce, à ce moment-là, quand il y a contrôle, derrière, on a un contrôle sanitaire, parce que, figurez-vous, si elles sont mal identifiées, on est sanitairement dangereux. Alors là, mes brebis sont pas malades, mais... Mais ça, c'est assez fou ce que tu dis, parce que c'est vraiment un truc avec lequel on s'est pris la tête quand on est allé faire l'action au printemps. Enfin, on est allé dans les locaux des services vétérinaires à Gap, hein, occupés pendant une journée. Et donc, bon, voilà, on a discuté, on va dire, assez... franchement, avec le directeur, avec les chefs de service et machin, et c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas démordre, quoi. C'était vraiment si un animal qui est mal identifié ou qui n'est pas identifié, il est sanitairement dangereux. Pour eux, c'est l'identification permet d'éviter des pandémies, quoi. Enfin, vraiment, mais c'est des mots qu'ils nous ont dit, quoi. Alors après, au-delà du fait qu'eux, ils sont quand même bien conditionnés, bon, je pense, alors que hygiéniste, veto, etc. Voilà. Mais c'est pour ce... En fait, là, cet exemple du pissage, je trouve, il est hyper intéressant parce que ça montre, en fait, l'aberration d'un truc technique qu'on nous met dans les... Enfin, qu'on met dans les pattes aux éleveurs, là. Pour, en fait... alors, ça sert pas à l'abattoir, ça sert pas à l'éleveur. Les trucs, ils marchent pas. Les contrôleurs, ils regardent à peine. Enfin, voilà, ils savent pas si le truc, il est grillé. Et en plus, on nous dit que c'est pour c'est pour des raisons sanitaires, alors qu'en fait c'est démonté en 2 minutes l'argument, quoi. Et donc en fait c'est l'exemple parfait du truc qui sert à rien, qui est inutile, etc. Mais on va faire chier tous les jours les éleveurs, bon là c'est l'exemple de l'élevage, hein, pour qu'ils se mettent au pas d'un truc totalement débile, quoi, avec les contrôles, la pression sur les primes, etc. Mais pour moi ça montre vraiment, et c'est bien expliqué dans des bouquins que j'ai là, enfin Paysan impossible ou Le ménage des champs qui sont sortis il y a pas longtemps, c'est vraiment ce truc, en fait on veut mettre au pas des gens, une profession là pour le coup, voilà, un métier, les agriculteurs. Et donc, en fait, on leur rajoute des trucs totalement débiles sur lesquels on leur tape sur la gueule, etc. Ils ont beau argumenter, ils ont beau dire ça nous sert pas, machin, truc. Et ben, en fait, il faut te plier quand même à ce truc-là. enfin voilà, et puis en fait ça c'est un truc, et puis après il y a les normes sanitaires pour la transformation, après tu fais du fromage et tu fais machin, et en fait c'est pour te faire plier sur plein de trucs, et en fait si tu plies sur un truc totalement débile où t'arrives même pas après, enfin je veux dire après c'est le bulldozer quoi. Ah oui. Mais ouais. Pour que les gens soient quand même comme un troupeau de moutons quoi, c'est-à-dire c'est on doit suivre finir avec la voilà. Les éleveurs bah oui. Hein. Non, mais la première tes élèves aussi ouais. Hein. c'est aussi pour ça que enfin qu'on est en relation forte avec François qui vous reçoit, c'est parce que en fait la première fois où on a vraiment parlé de ce problème là ensemble, c'était à la projection de ce fameux film Mouton 2.0, on était à l'auberge de la Tour et donc on a pas mal parlé du puissage des moutons et nous on disait qu'on n'avait pas envie de pucer nos animaux parce que peut-être un jour ça risquait de passer à l'humain, etc. Et François gentiment, discrètement de derrière qui dit pour les carnets de notes électroniques, c'était il y a 4-5 ans, c'est en train de se mettre en place. Et donc on s'est rendu compte que les doutes et les inquiétudes qu'on avait nous en favorisant ce système-là, c'était déjà en marche pour l'humain. Voilà. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racines de Moisins, et on écoute actuellement l'enregistrement de la 6e rencontre d'écran total qui s'est tenue à Savournon, et là on entend les éleveurs de la ferme du Petit Terrus qui témoignent sur leurs difficultés avec le puçage électronique. Dans ces rencontres écran total qui durent en général 2-3 jours, eh bien, il se passe beaucoup de choses, y compris parfois des chansons, et je vous propose d'en écouter une. La Java du monde numérique. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des puces numériques. Sans jamais rien avoir appris, c'était un vrai génie, question informatique. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Enfin, quand il sortait à gare, il se mettait en transe en nous racontant tout. À fabriquer une tablette ou surfer sur le net, c'est vraiment pour les tartes. La question de l'oiseau Twitter se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. Contaminer toute la planète, ça n'a rien d'impossible, faut élargir la cible. Mais celles de ma fabrication ont une distribution qu'auprès de trois ducs en France. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, zim, boum, j'y retourne immédiatement, bim, boum, bam. Il a bossé pendant des jours, tâchant tout alentour d'imposer son modèle. La nuit, il tweetait comme un fou en dévorant d'un coup toute la soupe d'Internet. On voyait un son air de hub qui tombait sur un bug, nous on n'osait rien dire. Un jour, en nous servant la soupe, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Avouons-le, disons-le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Ça fait des mois et des années que j'essaie d'augmenter mon fric à volonté. Et je me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est de compter sur le nombre. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, zim, boum, j'y retourne immédiatement, bim, boum. Sa chambre, je le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu des excuses de ce que sa cravate était aussi petite. Aussi peu il fait tout ce baba, il est anesthésia avec son gros data. Et quand le monde s'est imposé de toute humanité, il n'en est resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'on m'en a mes consciences. En détruisant tous ces cerveaux, je suis bien le plus beau d'avoir servi la France. Alors tous devenus accros, condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, élu immédiatement, chef du gouvernement, le point triple zéro. Et voilà, vous aurez reconnu le détournement d'une chanson de Boris Vian, La Java des bombes atomiques, qui est devenue La Java du monde numérique. Petite chanson un peu improvisée, on espérera que la pour la 7e rencontre Écran Total, on aura un meilleur enregistrement. Donc on continue cette émission de Racine de Moins 1 sur la 6e rencontre Écran Total, avec cette fois-ci là, un peu la discussion autour de l'expérience des éleveurs de la ferme du Petit Hérus, autour du puçage de leur brebis. Juste le début de l'intervention, le mécanisme il est assez intéressant aussi de dire qu'en fait les anciens on va de moins en moins, enfin on essaye de les mettre au pas et tout, mais ce qui là où on va mettre le focus c'est sur les jeunes en fait, faut bien les élever quoi. Une fois qu'on a bien élevé les jeunes, après on sait que les générations avançant, on a bien fait notre boulot quoi. Et c'est on peut le voir dans les formations d'un style de prof, d'aide-soignant, etc. Où, voilà, on fait le travail à la base et puis les générations vont se remplacer les unes les autres et il n'y aura plus besoin de faire un attrapage de fou parce que les gens auront vraiment intégré ce truc-là. Et on profite, enfin, je veux dire, là pour l'installation, tu profites aussi d'un moment où en fait, quand tu t'installes jeune agriculteur, en fait, c'est un moment, t'as pas, enfin, là, c'est hyper dur. Enfin, je veux dire, il faut que tu montes tout de A à Z sur la ferme, donc t'as des gros emprunts, t'es contrôlé, enfin, t'as pas 20 ans ou 30 ans de recul derrière toi, ou à la limite, tu peux dire, bon, oui, ils sont venus me voir, mais bon, allez, c'est bon, ça va prendre 6 mois, et puis ils vont laisser tomber, enfin, tu vois, t'es un peu sous le qui-vive, quoi. Et du coup, en fait, justement, tu sais que t'auras, pendant les 5 premières années, t'auras 10 contrôles, tu sais que, voilà, ils obligent les anciens, bon, c'est pas mal en laitier, hein, mais par exemple, ils font pas trop chier pour la mise aux normes des installations, mais en fait, le jeune qui reprend, ou les jeunes qui reprennent, là, c'est obligatoire, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas reprendre un outil de travail qui fonctionnait hyper bien, avec des gens qui se payaient bien, qui avaient peut-être, moi aussi, réduit leur temps de travail, enfin, voilà, une ferme qui marchait nickel. En fait, tu peux pas la reprendre, par exemple. Mais il y a même ce tu peux pas la reprendre parce qu'il faut tout remettre aux normes, parce qu'il faut maintenant plus d'espace pour la traite, la fromagerie, elle va plus, le hangar, voilà, il faut maintenant 2 mètres carrés par bête, etc. Mais bon, on va leur pucher les oreilles, hein, enfin, je veux dire, mais... mais enfin, voilà, et du coup, c'est le moment, le changement de génération en agriculture, où il y a quand même un bond d'industrialisation qui est impressionnant, quoi. Enfin... Hein, bon, je sors là juste de formation obligatoire là pour l'installation justement à l'école où on nous met tout ça dans le crâne. Tous les autres jeunes qui s'installent, bon, un jeune, ça va jusqu'à 40 ans, hein, même ceux qui reprennent des fermes, ils reconstruisent tous un bâtiment. Mais en fait, ils sont obligés parce qu'en fait, du coup, tu peux pas. Ah ben, j'avais ma tante, elle avait 300 brebis, mais en fait, maintenant, il faut tant de mètres carrés dans le hangar, machin truc. Du coup, je suis obligé de refaire un nouveau truc, d'aller bam, 200 000 euros sur la table. Et du coup, ils profitent de renouvellement de génération. Paf, allez, on industrialise, on soumet à des nouvelles normes les jeunes. Enfin, voilà, parce que t'es faible à ce moment-là, quoi. Et, c'est le parallèle avec les gamins ou en formation de. Bah, je voulais du coup rebondir aussi sur ce que tu venais de dire. Les anciens sont pas tellement embêtés, mais on voit quand même, par exemple, Gabriel Dufis là, près d'Evreux, qui est un ancien et qui est quand même très très embêté. Et puis deuxième chose, ces puces, par contre, j'imagine, dans les fermes industrielles, ils ont quand même tout automatisé au niveau de la gestion des brebis, là, on peut le dire, grâce à ces puces. Donc, Dans les systèmes plus industriels, les vaches, il n'y a plus personne dans l'élevage. La vache, elle va là où il y a le granulé pour qu'elle donne du lait, là. Et puis, sa puce lui donne exactement la quantité. Elle rentre sur le robot de traite, ça se met en route tout seul. Et le contact, il n'y a plus de contact d'humain. C'est assez incroyable. Par contre, pour ces bêtes donc, qui sont produites par des fermes industrielles, quand elles vont à l'abattoir, c'est le même problème que pour vous. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, il faut quand même qu'il y ait un humain qui vérifie quand il y en a deux qui vont en même temps. Ça n'a pas remplacé. Mais surtout que, en fait, parce que moi je suis monté à DGAL une fois pour les trucs, parce que les alpagas c'est pareil. Alors en fait, ils n'y connaissent rien. La reconnaissance à l'animal, en fait, ils s'en foutent bien pas mal. Ce qui les intéresse, c'est l'élevage. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il suffirait d'avoir juste qu'on puisse lire notre numéro d'élevage et le numéro de l'animal, on s'en fout. Au moins, dans tous les élevages de petits ruminants, c'est comme ça. La traçabilité, elle ne va pas jusqu'à l'animal, elle va jusqu'à l'élevage. Voilà. Chez les bovins, ça va jusqu'à l'animal. Il y avait d'autres. J'avais une question annexe. Enfin, c'est paradoxal. Il me semble que on vous parle de sanitaire et en fait, ça rend malade parce que ça crée vachement d'infections. Enfin, il me semble. Bah, ça peut aussi. Ouais. Bon. La problématique sur les alpagas, c'est insupportable parce qu'il n'y a pas de boucle qui soit adaptée à l'oreille de l'alpaga. Celles des vaches sont trop grosses, celles des moutons sont trop petites, hein, etc. C'est une carte banque entre la plaque et la contre-plaque. Et il n'y a pas suffisamment d'alpagas en Europe pour qu'ils mettent sur pied quelqu'un qui fabriquerait ça. Conclusion, nous, on bricole, on leur met des boucles de brebis, et bien on a 2 alpagas sur 10, en gros, ou je sais pas, peut-être 3 sur 10, qui déclarent des infections à l'oreille. On est obligé de leur retirer la boucle parce que ça fait, parce qu'ils chopent des vers, parce que les bouches vont pondre, etc. Ben voilà, nous, ça ne crée que des problèmes, hein, que des problèmes. Ça, c'est sûr. Mais par contre, par rapport à tout ce qui se disait, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on peut toujours essayer de lutter contre la puce. On a toujours des raisons, des bonnes raisons de lutter contre ça, de lutter contre... Bien sûr qu'il y a des intérêts dans le style de travail que font certains à utiliser ce genre de choses. Tant mieux pour eux. Et si ils ont envie d'utiliser ça, pourquoi pas ? Mais quand on nous y oblige, sous prétexte qu'on devient sanitairement dangereux parce qu'on l'a pas, là, c'est une vraie revendication. Et l'aboutissement de l'électronisation du vivant sur un roteau de traite, par exemple, ça veut dire que l'éleveur, il devient un gros industriel, il connaît pas ses vaches, il connaît leur numéro. Et la vache, c'est pas l'éleveur qui va aller lui taper sur la fesse quand elle passe sur son roteau et qui va se dire, oulala, t'as l'air un peu pas trop en forme, t'as la laine, t'as le poil qui est un peu hirsute, là, aujourd'hui, faudrait peut-être que je te donne un petit reconstituant, un machin, un truc. Nous, nos brebis, on les regarde, on les voit, on a une vraie relation avec nos animaux. C'est pas la boucle qu'elles ont dans l'oreille qui va nous dire qu'aujourd'hui il faut lui donner un petit peu plus de minéraux ou 10 grammes de plus de grains ou quoi. En fait, on a complètement changé le travail de l'éleveur, et de la même façon que pour les profs, pendant que tu fais l'appel des élèves, tu les regardes pas, tu regardes ton écran. Et quand on va chez le toubib il te dit, alors vous vous appelez comment, ah oui, d'accord, alors c'est quand, là, ah oui, je vois, la dernière fois, ah oui, vous êtes bien né, ok, alors il passe 10 minutes, un quart d'heure à re-remplir ta fiche là, et il te touche même pas, il te fait, enfin voilà. Et donc pour nos animaux, c'est ça qu'on revendique aussi, c'est que nos animaux, on a envie d'être avec eux, au milieu d'eux. Quand Yann, je ne sais pas s'il est là, Yann, quand Yann sort le troupeau, eh bien, il part avec les bêtes, mais quand c'est nous, c'est pareil. Je veux dire, on prend les brebis, elles sont derrière nous, on reste au milieu, on regarde, on voit celle qui se met à boiter, on voit celle qui a une mauvaise laine, celle qui commence à mettre de la mamelle, ça veut dire que les annulages vont commencer, il faut qu'on prépare la bergerie, etc. Enfin, c'est notre métier, quoi. Et là, avec ce genre de bazar, on nous dépossède complètement de notre métier. Il faut juste qu'on soit aux normes. Après, le reste, ça n'intéresse personne. Mais pendant qu'on passe un temps fou à se mettre aux normes, parce que ça nous prend à chacun de nous au moins une journée par semaine, tout confondu sur l'année, parce qu'un coup il faut s'occuper de ci, un coup il faut s'occuper de ça, un coup il faut remplir les dossiers. Au moment des remplissages des dossiers de Pâques, Antoine, pendant une semaine, on ne le voit pas, il est dans ses papiers, il en bouffe toute la journée, voilà. Et alors pendant qu'on fait ça, eh bien, on dit aux brebis, débrouillez-vous, on n'est pas là, il y a la Pâque qui nous attend. Non mais voilà quoi, hein. Bah, voilà. Cette réflexion, c'est la même que j'ai eue avec des jeunes profs et des instituts qui font des évaluations. Mmh. Et je leur disais, mais en fait, l'évaluation en soi, on s'en fout un peu, mais le problème, c'est quand même que toute l'énergie que vous passez à remplir ces évaluations et tout, c'est de l'énergie qui est perdue pour les gamins, quoi. C'est un métier qui disparaît, et c'est la même chose. On te confisque une partie de ton temps pour quelque chose qui... Et nous, on s'en fout de l'évaluation, mais donc on est noté, mais presque plus, mais enfin surtout pour les anciens. Et qu'on voit arriver ce truc-là, effectivement, on est quand même au cœur du système, parce que nous, on est chargé de leur montrer qu'aucun monde n'est possible sans ça. J'exagère à peine. Voilà, et vous êtes industrialisé. En fait, l'industrie, c'est plus l'industrie de Charlie Chaplin, là, elle est partout dans les petites fermes, parce qu'en fait, vous représentez la vision d'un autre monde, enfin une autre vision du monde. Nous aussi, quand on fait l'école de manière artisanale, on représente une autre vision du monde, et ça c'est pas possible. Donc, on va vous appâter avec nous, on l'a fait chez les instituts, vous allez gagner du temps. vous allez faire des animations pédagogiques, elles font 3 heures, mais en fait, en une heure derrière Internet, vous allez faire ça. En fait, tout ce qu'on attend, si tant est que ça soit intelligent de gagner du temps, enfin, moi, je demande à voir, mais bon, mettons, gagner du temps, gagner plus d'argent, tout ça, de la liberté. Alors qu'on fait le constat tous les jours qu'on perd du temps, qu'on perd de l'argent, mais ça fait rien, c'est devenu une sorte de croyance. C'est que oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça sort tout seul de toutes les bouches, on ne le remet pas en question, alors qu'en fait, on constate le contraire chaque jour, mais c'est comme ça, on va appâter l'éleveur, l'enseignant, et là, on est en train d'appâter tout le monde. Et puis les plus jeunes. Il y a la même problématique dans le monde médical, par exemple. Alors, moi, j'ai des amis qui sont infirmières et je parle justement la sur-informatisation de leur fonctionnement de travail, qui n'ont plus le temps d'être avec les patients parce qu'elles doivent remplir leur dossier sur des logiciels Internet. C'est même de l'intelligence même qui est aussi pris et enlevé parce que ça va être, on va te donner des espèces de logiciels ou d'outils ou de protocoles tout préfaits, tout pré-mâchés, comme si toi, tu n'étais pas capable, pour arriver à ton but, de mettre en place les outils, les réflexions et d'aborder ton sujet pour l'apporter, et que du coup on te donne un truc tout préfet, c'est parce que tu es idiot en fait et tu es juste là pour appliquer un fonctionnement. Alors chez nous, dans le futur, les ingénieurs pédagogiques, c'est-à-dire quoi. On a été instit, après prof d'école, ça fait mieux. Puis maintenant, les futurs, ils seront ingénieurs pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils vont assister le robot qui va enseigner. Superviser le robot. Et je confirme que beaucoup de l'intelligence, par exemple, des profs consiste à immobiliser par le fait et détourner pour le fait, bon, comment on va remplir les cases sans que ça nous pose trop de problèmes. C'est ça, voilà. C'est ça. Il y a des grosses réunions, on discute, bon, on va faire comme ça. C'est quand même génial, quoi. Et du coup, moi, je trouve ça très intéressant qu'on se rapproche avec le principe des camps total, parce que de temps en temps, quand on est éleveur, on se sent un peu perdu, parce que les éleveurs alentours, ils se disent, oh, c'est pas grave, allez, c'est bon, en plus, comme ça, on n'est pas trop embêté, etc. Puis de toute façon, il y a des ronds à la clé. Enfin, on a tous des arguments à mettre sur la table. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, dans n'importe quel métier qu'il soit aujourd'hui, le combat qu'on mène, nous, comme éleveurs, c'est le même que le vôtre, et on n'est plus tout seul. Et ça, c'est drôlement important. Enfin, moi, depuis qu'on a parlé de ces histoires avec François, je me dis, ah oui, mais au fait, il n'y a pas que les puces de mes brebis qui peuvent me poser problème. C'est tout le système qui se met en place avec ça, auquel on doit réfléchir, et surtout pour les jeunes qui arrivent, comme on disait tout à l'heure, très justement, quoi. Parce que, à part d'avoir le nez sur un écran, les pauvres jeunes qui ont 15-20 ans aujourd'hui, ils vont pouvoir faire quoi ? Peut-être, je sais pas, du coup, peut-être pour aussi aller un petit peu plus loin, enfin, par rapport à nous, à ces idées-là, cette idée de la rencontre aujourd'hui, en fait, c'est aussi un moyen de, une première étape, en fait, on se dit, voilà, c'est pas juste, c'est hyper intéressant de partager tout ça, et de se rendre compte qu'on n'est pas seul, que, en fait, c'est dans tous les métiers, etc., mais c'est aussi de se dire comment on peut s'organiser vraiment concrètement, là, dans nos territoires, en fait, pour résister à ça, et pour défendre, en fait, notre vision de la vie, de l'élevage, de la pédagogie, etc. On sait que voilà, on n'est pas très nombreux, etc. Notamment, on regarde que chaque secteur, par chaque secteur. Voilà, en agricole, on s'est retrouvé, on était une dizaine, machin, enfin, à occuper les services vétérinaires. Je sais pas, quand vous faites des actions, des profs, vous n'êtes pas non plus 15 000, etc. Mais en fait, on est quand même tous dans le même territoire et concernés par les mêmes choses, et on défend aussi une certaine vie dans nos territoires. L'idée de se regrouper aujourd'hui, c'était aussi de se dire, en fait, on peut s'entraider à résister à des moments, déjà se sentir moins seul, peut-être à faire face des fois à des contrôles, etc. C'est des choses qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire, en fait, un éleveur ou une éleveuse ou un agriculteur ou une agricultrice ne doit jamais être seul, en fait, au moment d'un contrôle, parce que, Simon le disait, en fait, t'es toujours le mauvais élève, parce qu'en fait, t'as 200 000 normes à respecter, et évidemment que du coup, il y en a forcément certaines que tu vas pas respecter, même si t'as essayé de tout faire dans les clous, c'est pas possible. Mais que du coup, d'être plusieurs au moment où il y a des contrôles, voire ça s'est fait dans d'autres départements quand il y a des refus de contrôle, d'être vraiment nombreux pour, et pas que du monde agricole, hein. Enfin, je veux dire, si on appelle, il y a des instits, il y a des infirmiers, il y a des etc. qui sont là, en fait, il y a 30 ou 40 personnes quand il y a un souci, déjà c'est pas la même chose, parce que voilà, qu'est-ce qui arrive à certains, c'est que du coup ils refusent le contrôle, la fois d'après il y a les gendarmes, machin, et trucs et machin, et voilà, et en fait, alors que si on est, voilà, c'est le cercle vicieux qui est arrivé à l'assassinat de l'éleveur l'année dernière, ou à Gabriel Dufis, et c'est pareil pour d'autres métiers, hein. Donc du coup, c'est vrai que voilà, pour nous, c'est une première étape. On va faire d'autres événements un peu de ce type-là et mettre en place peut-être des listings. Enfin, c'était une des actions qu'on pensait faire. C'était voilà, d'être au moins qu'il y ait du monde quand il y a des contrôles qui risquent de mal se passer, on va dire. Enfin, je pense que c'est hyper important justement ce partage-là et d'être concerné par aussi les problèmes du métier d'à côté, parce qu'en fait, bah, voilà, en fait, tout est relié. Et si on arrive à mettre en place des moyens de résistance, au moins à notre petite échelle, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on aimerait bien mettre en place. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin, et là on vient d'entendre donc un petit montage autour de la discussion qu'il y a eu à la ferme du Petit Terrus du côté de Savournon dans les Hautes-Alpes autour donc du puçage électronique et aussi de l'informatisation d'autres métiers. Donc petit merci à Thomas qui a organisé cette rencontre, Thomas Dubuèche, qu'on retrouve assez régulièrement sur aux informations le mardi. Et voilà, si vous voulez donc contacter Écran Total, le groupe qui tente de résister à la gestion et à l'informatisation de nos vies, bien vous pouvez écrire à Radio Zinzine, 04 300 Liman. Sinon, vous pouvez contacter aussi le groupe Faut pas pucer du côté du Tarn. C'est le BATS, B-A-T-Z, 81140, Saint-Michel-de-Vax. On trouve aussi la plateforme d'Écran Total sur Internet. Bah oui, eh oui, il n'y a pas de raison. J'ai mis le lien dans le descriptif de cette émission qu'on trouve sur le site de Radio Zinzine. On peut bien sûr vous l'envoyer par courrier si vous nous le demandez à Radio Zinzine. Et ça fait 2 pages à 4, voilà. Sinon, autour de cette question de l'informatisation de la société, de l'envahissement des normes bureaucratiques, en ce début d'année 2019, il y a eu la réédition du livre « La liberté dans le coma » qui a été écrit en 2012, je crois, par le groupe Marcuse. Réédition revue et augmentée avec une préface qui recontextualise ce livre et revient sur un certain nombre d'événements qui se sont passés entre-temps. Voilà, je vous lis juste un extrait de la préface de cette nouvelle édition. Ce que nous avons tenté de démontrer dans ce livre, c'est qu'Internet n'est pas, ne peut pas être un outil convivial. Nous ne pensons même pas qu'il s'agisse d'un outil d'ailleurs. C'est un système, une méga machine qui structure, quadrille, organise nos vies dans le sens d'une hétéronomie accrue, une addiction à plus d'électricité, plus de métaux rares, plus de temps passé devant un écran plutôt qu'en contact physique avec nos semblables. Nous ne voulons pas défendre les droits de l'homme dans la société numérique. Nous voulons défendre la condition humaine qui est menacée par la société numérique. Nous pensons que la défense de la liberté, de l'égalité, implique de réduire massivement notre usage des artefacts numériques et de recréer un monde où l'on puisse s'en passer. Cette position relève apparemment du tabou aujourd'hui, et ceci jusque dans la plupart des cercles se présentant comme anticapitalistes, révolutionnaires ou en lutte contre toutes les formes de domination. Voilà, donc c'est un ouvrage de petit peu moins de 300 pages qui revient sur l'histoire donc de l'informatisation, etc. C'est aux éditions La Lanterre, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies au prix de 16 euros. Toujours sur le même thème aussi, aux éditions La Lanterre, qui vient de tout chaud de paraître, il y a Le Monde en pièces pour une critique de la gestion. C'est le deuxième volume qui est consacré justement à l'informatisation, sachant que le premier volume était consacré à la quantification. Donc ce deuxième volume qui vient de sortir, c'est le groupe Oblomov, qui était critique de la recherche scientifique. Je vous lis le petit prospectus. Ce deuxième volume du Monde en pièces est consacré à la question de l'informatisation. Il part du constat que la crise écologique, sociale et politique actuelle est indissociable de la colonisation de nos vies par les ordinateurs, qu'on ne peut par conséquent prétendre faire la critique de notre époque en reléguant au second plan le numérique. Contribuer à une opposition à la gestion et à l'informatisation de nos vies, pour reprendre le titre de la plateforme du groupe Écran Total, c'est dans ce but qu'ont été réunis ici les différents textes rassemblés. Il y a un certain nombre d'articles informatisation en avant vers nulle part par les anciens du groupe Oblomov. Oui, voilà, puisque ce groupe s'est entre-temps dissous. Le logiciel qui murmure à l'oreille des prolos. Sombre histoire du guidage vocal dans les entrepôts de la grande distribution par David Gaborio. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de faire une émission avec une conférence de David Gaborio dans la série Racine de Moisin que vous pouvez écouter sur le site de Radio Zinzine. L'apiculture numérisée et connectée, connaître et sauver les abeilles grâce aux technologies informatiques, par Robin Mugnier. Au plus près de la machine, une critique du développement logiciel par Denis Durepère. Anesthésie informatique, la sensibilité mise à mal par les technologies informatiques par Rémi de Villeneuve. Et il y a encore quelques textes et documents du groupe Écran Total. Toujours sur l'informatisation, il y avait dans un des numéros de CQFD, le mensuel marseillais, un dossier spécial consacré à Écran Total et à la résistance à l'informatisation. Le groupe Écran Total l'a réédité et vous pouvez le demander à Radio Zinzine, à Prix Libre en fait. C'est une réédition en couleur et tout ça, très jolie. Voilà, sur ce, on va terminer cette émission avec encore une petite chanson enregistrée à l'occasion de ces rencontres Écran Total à Savournon. Le petit commerce 3.0. J'ai vendu du charbon, mais ça n'a plus marché. J'ai vendu du pétrole, mais il s'est épuisé. J'ai refourgué le Roundup dans les insecticides et dans tous les vaccins glissé les alumines. J'ai tâté dans le bio, les gens étaient fauchés. Essayé de vendre de l'eau, les sols étaient pollués. Je snobais Internet sans voir les bons côtés. J'allais perdre la tête. Mais j'ai enfin trouvé. Je glande sur mon yacht dans les mers des Nantis depuis que j'ai compris la vie. J'ai un hélicoptère, trois domestiques et un chauffeur, et les dealers me saluent comme un des leurs. Je cache mon pognon. Ces délicats instruments. Je suis marchande d'écran. Venez me voir pour vos enfants. Écran à vendre. Avec toute cette ferraille, on forge la cervelle de toute la marmaille du monde universel. Ça donne de l'ouvrage aux gosses des chômeurs, et chacun envisage de fonder une start-up pour doper la croissance et la consommation. Avec quelques paillettes, on les tient à carreau. Ça n'a pas d'importance, car quand ils seront gros, ils iront en cadence grever pour 2 euros. Je vendais des tablettes dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires aux marchands du cimetière, et moi maintenant je me retrouve sans blé. Tous mes beaux clients sont morts en cliquant, moi seul sans follower, je sais pas ce que c'est qu'une fleur. Transhumanité, illimité, immortalité, tout ça c'est du pipeau, maintenant faut tout recommencer. Ta belle chanson. Chanson détournée de Boris Vian, Le Petit Commerce. Et je rappelle les titres des livres que j'ai présentés aussi du groupe Marcus, La Liberté dans le Coma, et c'est sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. C'est une nouvelle édition avec un joli bandeau rouge contre l'informatisation du monde. C'est paru aux éditions La Lenteur en 2019, un livre de 270 pages environ. Et aussi du groupe Oblomov, Le Monde en pièces pour une critique de la gestion. C'est le volume 2 informatisé, paru également aux éditions La Lenteur en 2019. Petit ouvrage qui fait dans les 140 pages environ, au prix de 14 euros. Voilà, sur ce, bien, je vous dis à la prochaine. Thank you.